Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux est une commandite de Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. L'automne est arrivé et il est déjà le temps de se préparer pour la période froide qui s'en vient. Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini vous offre une vaste gamme de pneus d'hiver dans les marques les plus prestigieuses à différents prix. Venez voir nos souffleurs à neige qui seront utiles pendant nos hivers rigoureux. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Consultez notre circulaire pour nos différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Bonjour à tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional avec une triste nouvelle. Il y aurait 4 adolescents qui auraient subi des blessures graves lors d'un accident de la route qui est survenu samedi soir à Chambord. De ces 4 adolescents, il y en a plusieurs membres qui sont de l'équipe de cheerleading des Centurions de Saint-Félicien. Il y en aurait 2 qui auraient eu des opérations majeures tout au long de la journée d'hier. Cependant, on ne craint pas pour leur vie. Et semble-t-il que le passager se serait endormi au volant lors de cet incident. On va parler de l'Avalanche du Colorado qui continue leur excellent travail. L'Avalanche qui l'a emporté 6-2 contre le Lightning de Tampa Bay. Ça se déroulait samedi soir à Tampa Bay. Samuel Girard de Roberval a amassé une passe dans la partie, a joué 22 minutes 50 et a terminé le match à +2. C'est le week-end des rivalités en fin de semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec et les Saguenay de Chicoutimi ont remporté 2 victoires face aux Drakkars de Baie-Comeau. Vendredi soir, les Saguenay l'ont emporté par la marque de 4-2. Ça se déroulait au Centre Georges Vézina. À noter dans le match que Xavier Labrec a marqué un but, une passe. Il y a Louis Crevier qui a marqué un but et Artemi Gniachev qui a également marqué. À noter 2 passes pour Samuel Houd et Hendrix Lapierre. Et il y a autre victoire à Baie-Comeau, cette fois les Saguenay qui l'ont emporté par la marque de 3-1 contre la formation du Drakkars. Raphaël Harvey-Pinard a été le meilleur joueur des Sags avec une production de 2 buts, une passe. Il y a Vladislav Kotkov qui a marqué un but et 2 passes pour Samuel Houd. Ligue du lac au fleuve, les constructions de l'avenir de Dolbeau-Mistassini l'ont emporté 6-3 contre la formation de Saint-Bruno. Ça s'est déroulé à Saint-Bruno. À noter dans le match un doublé pour François Bérubé. Maxime Dufour a marqué un but, une passe. Michael Drolet un but. Simon Tremblay également un but. Et Frédéric Mérette a également marqué un but. 2 passes pour Steven Girard. Les constructions de l'avenir qui connaissent un excellent début de saison. Ligue JMS, il y avait des matchs au cours de la fin de semaine. 2 défaites pour le Marcos Pop de Saint-Félicien. Les Marcos Pop qui ont perdu 8-5 contre la formation des Marquis de Jonquière. Pour le Marcos Pop, dans le match, faites à noter qu'il y a eu 2 buts, 2 passes pour Nathan Fortin. Il y a Xédric Ouellet qui a marqué un but. Richard Bulodeau un but et de même que Rémi Martel. Les ambassadeurs de Chibougamau, tant qu'à eux étaient en action contre les Saguenay de Chicoutimi. 2 défaites pour les ambassadeurs. Ils ont perdu 6-4 dans le premier match. À noter dans la rencontre que Maxime Gastonguay, Henry Urtubise, Daniel Kuhn ont marqué un but, de même que Xavier Pelletier. Et dans le deuxième match de ce programme double, autre défaite cette fois de 4-3 contre les Saguenay de Chicoutimi également. Dans le match entre les deux formations, il y a eu un but pour Félix Perron. Neil Longchamp a également marqué un but. Et William Harvey a aussi marqué un but dans la partie. Ligue Junior 2A, ça ne va pas bien pour les Éperviers de Normandin. Les Éperviers qui ont connu connaissent un très mauvais début de saison. Hier, ils ont perdu 7-4 contre la formation des Aiglons d'Alma. Dans le match pour les Éperviers, à noter que 2 buts pour Guillaume Tremblay. Il y a Charles-Éric Rochefort qui a marqué également un but. Et dans l'autre match de la fin de semaine, cette fois, défaite de 9-1 contre les Marquis de Jonquière. Dans le match pour les Éperviers, notez que le seul but a été inscrit par Christophe Bélanger. Les Sables de Roberval également, 2 défaites. Les Sables qui ont perdu 8-1 contre la formation des Marquis de Jonquière au cours du week-end. À noter dans le match pour les Sables, le seul but appartient à Antoine Niquette. Et dans le deuxième match de la fin de semaine, les Saguenay de Chicoutimi ont infligé un revers de 6-2 aux Sables. Dans le match pour les Sables, à noter que un but pour Thomas Tremblay, également un but pour Simon Dumas. Et l'autre filet appartient également à Simon Dumas, un but, oui. Et on n'a pas le troisième marqueur. Il y a Thomas Tremblay qui a également marqué un but, mais on n'a pas le troisième marqueur selon le site de la Ligue JMS. Le sport local et régional à danradiosport.com.